Alors, là, j'étais au Guatemala. J'avais plus d'argent. Il me restait, je me rappelle plus, mais disons 300$ en chèque American Express. J'avais deux enfants à envoyer en avion, leur mère. Je devais revenir avec un troisième jeune par voie de terre, passer de l'argent pour l'avion. Alors, à un moment donné, je décide que je dois faire, si je dois, j'ai besoin d'argent. Je ne veux pas en voler, mais je dois en avoir. Alors, je pense déclarer mes 300$ de chèque American Express perdus, aller au bureau d'American Express en chercher 300$, et là, ça m'en fait 600. Avec 600$, on pouvait régler des choses. Je décide d'aller voir American Express. Je leur explique pas tout mon schéma d'évolution. Et je me dis en m'en allant là-bas que karmiquement, je n'aurai pas de problème et ça va fonctionner à une seule condition, c'est que je donne 1$ aux 3 premiers mendiants que je vais rencontrer. J'aurais pu me dire n'importe quoi d'autre. Mais à l'époque, il fallait aussi que je me négocie un peu. Ça, c'était en 79. C'était une bonne année, 79. Et alors, j'ai été là et puis... Une heure après, j'avais mes 300$ de chèque, et puis quand je suis sorti, bien, il y avait plus de mendiants que jamais dans la rue, de toutes les sortes. Et j'ai failli me faire ramasser comme il faut. Parce que le premier mendiant, eh bien, j'ai trop d'orgueil, pas lui, il y a un autre qui est trop sale, tu sais. Et aux trois premiers que je m'étais dit. Alors finalement, eh bien, j'ai été capable de prendre la main, la mettre dans la poche, sortir 1$, lui donner. Je continue à marcher, là, il y a une jeune fille qui vient me voir, qui est inquiétée. Alors, je lui donne 1$. Elle fait le tour du bloc, elle revient sur l'autre point de rue, qui était une autre pièce. Est-ce que c'est le troisième mendiant ou c'est le deuxième en double? Encore se fait niaiser. Et là, je me dis, ben écoute, j'ai pas dit que je me limitais à 3. Si je suis pas sûr que c'est le troisième, donne-y un, puis continue, tu donneras un quatrième. C'est le quatrième, c'est le troisième. Une vraie farce. Par la suite, j'ai reçu un compte d'American Express parce qu'ils sont habitués à ce genre de choses-là. Quand les chèques sont encaissés quand même, ils t'envoient un compte après de 300$. Et j'ai reçu, quelques mois après, à Montréal, un compte de 76$, je crois, qui me demandait en canadien pour avoir pris 300$ en américain là-bas. Quand le comment, on doit réellement l'oublier, le comment, parce que sinon on n'est jamais suffisamment disponible à notre intuition pour embarquer dans la vie. Quand je dis aux gens, par exemple, si ceux qui ont à ne pas souffrir pendant les événements qui vont venir ne souffriront pas. Oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ne pas s'en faire. Tiens au courant. Histoire de pouvoir expliquer aux autres que tu n'es pas totalement sur notre planète. On doit appliquer ce qui se passe à l'intérieur de soi. Le comment est vraiment pas important, c'est pas le comment. Tu le sais quand il faut que tu le saches. Oui, puis comme je le dis souvent encore une fois, c'est que disons qu'on aurait un paradis à un moment donné sur le plan planétaire, puis les gens diraient, oui, ça va ressembler à quoi? On n'a rien à foutre. Voulez-vous la paix? Il va y avoir la paix. Voulez-vous la liberté? Il va y avoir la liberté. Voulez-vous la santé? Il y aura la santé. Puis on va se déplacer comment? Ça, on n'a rien à foutre. Oui, mais... On n'a rien à foutre. C'est à cheval qu'on a à se déplacer, qu'on est heureux en santé puis libre. C'est en téléporteur qu'on est heureux en santé puis libre. Si on a ce qu'on veut puis que le cadre, on s'en fout, on est gros dur. On est disponible. Si c'est le cadre, la forme qui est importante, on va toujours lutter pour bâtir la forme en prétextant que quand on aura la forme, on aura le reste. On sera tellement détruit en bâtissant la forme qu'on n'aura peut-être plus jamais le reste. Là, on s'en fout. Si moi, je vais avoir des amis qui sont X, Y, Z, bon, des amis qui sont honnêtes, qui sont plaisants, avec lesquels je peux vivre énergétiquement. Disons, on prend un exemple très animal humain, on dirait à un homme, veux-tu, l'homme veut coucher avec une femme, la femme veut coucher avec un homme, on va te fournir le corps physique qui va te rendre au paradis de l'extase. C'est ce que tu veux, le gars, il dit oui, la fille, elle dit oui. Parfait. On y a même une personne qui est un handicapé physique puis qui est moitié noir, moitié chinois. Je ne les veux plus. Et pourquoi? Tu vas voir exactement ce que tu veux. C'est la forme qui te bloque. Dans l'évolution, c'est la même chose. Il arriverait un maître absolument parfait, il y aurait un œil en moins où il serait aveugle, il y aurait tellement d'individus qui n'en voudraient pas. C'est la forme qui est importante. Et moi, ce que je vous dis, c'est qu'on peut pas, on n'arrivera à rien si c'est la forme qui est importante. Le reste, on s'en fout. Quand vous rencontrez quelqu'un la première fois, fermez-vous les yeux et écoutez-le parler. Déjà, sa parole est une forme beaucoup plus précise que son visage, sa hauteur, sa bête, etc. Il est-tu gros, il est-tu ci, il est-tu ça? Bon, écoutez-le parler un peu, là, puis faites-vous une autre image. Après ça, vous allez être surpris par la forme. Ah tiens, je vous croyais. Tout ça est de l'illusion. Ça nous leurre. Mais il y a tellement de personnes qui m'entendent parler sur cassette quand ils me voient, ils pensaient que je mesurais au moins 2 pieds de plus. Je t'avais une bouche grande de même. Pour passer tous ces mots-là en même temps. Et puis là, elles sont toutes surprises, ben. La forme, c'est très dangereux. C'est pour ça que tu mets tes photos, c'est cassette. La désillusion des dieux. Non, ça, c'est ceux qui me sont en marché. Ils ont décidé qu'à un moment donné, ils voulaient mettre ma photo dessus. Y a-t-il le choix entre d'autres ou s'il y avait juste celle-là? Je leur ai donné ce qui existait. Un beau pour les questions. Daniel, je commence à prendre conscience d'une mécanique dont tu as déjà parlé, les tentacules têteuses d'énergie. Moi. Comment concrètement arriver à bloquer cette mécanique? Bon, je vais répondre d'une façon efficace et honnête. Donc, sans compter de pipes. Des pipes qui font plaisir à l'ego, qui mettent du baume sur le cœur, qui spiritualisent les choses, mais qui ne sont pas vraies. Il y a énormément de choses dans l'évolution sur lesquelles on ne doit pas s'attacher ou s'arrêter. On doit comprendre la mécanique, comprendre le mensonge cosmique, comprendre le fonctionnement de l'illusion, et pas mettre notre temps et notre énergie à bloquer ça. On doit mettre notre temps et notre énergie à continuer à comprendre. Parce que vous êtes ici, on vous maintient. Vous montez un autre palier, il y aura d'autres lois pour vous arrêter. Travaillez pas à changer ces lois-là, changez de palier. C'est bien mieux. Alors oui, mais je me fais toujours manipuler depuis que je suis en conscientisation. Continue de conscientiser. Mais ça n'empêche pas qu'en attendant, change de palier. Ça va tout changer. Changez pas les lois. Changez de loi. Autrement dit, changez pas les lois dans la société. Si elles ne vous plaisent pas, changez donc de société. Et c'est ce que l'humain doit faire. Comme tout à l'heure, tu dis, il y a des choses, par exemple, ça ne t'amènera pas du beurre d'épinote sur ton pain. À immédiat terme, peut-être pas. Mais mon évolution, moi, elle est toujours en vision d'un très long terme. Cesse de te réincarner dans de la débilité. Cesse de prévoir tes 5 prochaines années à devoir recommencer encore à préserver ce que tu as. Prends le temps que tu as maintenant, puis à un moment donné, tu n'auras plus de problème. C'est un peu la même chose. Il y a des tentacules qui viennent têter. Effectivement, on se fait têter par des inconnus, on se fait têter par nos amis, par nos parents. Et souvent, on est têteux. On en prend d'énergie à autrui. L'important, c'est de comprendre la mécanique. Ça veut dire que vous vous conscientisez. Vous découvrez subitement une mécanique qui a toujours été là. Et à un moment donné, vous allez continuer, si vous persévérez dans la conscientisation, à découvrir d'autres choses qui vont vous fracasser la conscience, qui vont vous... Ah, c'est débile, c'est laid, c'est... Et à un moment donné, vous allez approcher peut-être même d'une colère. Une colère qui est entre la colère mentale et la colère émotive. Changez pas le monde. Changez-vous. Continuez à avancer. Le monde va changer parce que vous ne serez plus dans un monde qui ne vous plaît pas. Ça prend du temps. Ça prend pas du temps. En plus, c'est exponentiel. Plus vous allez le faire, plus vite ça va se faire. Plus ça va être facile, plus facile ça va être. Alors, comment changer, par exemple, bon, au niveau des tentacules têteuses? Changez pas ça. Ça changera tout seul. Et continuez à voir le monde tel qu'il est, sans en être effrayé, même si c'est effrayant. Qui est Atahmalpa? Est-il incarné actuellement? Si on a du temps un petit peu, on revient là-dessus. C'est très américain. Quelles sont les différentes implications du don de sang? Quand on donne son sang, on donne son âme. Hein? C'est une bonne chose. Quand on donne son sang, on manipule celui qui va le recevoir. On devrait en donner plus souvent. Certains devraient en donner souvent, d'autres devraient en recevoir souvent. En tout cas. C'est pourquoi les témoins de Jéhovah et d'autres systèmes théologiques ne veulent pas de transfusion sanguine. Ils comprennent pas toute la mécanique que je pourrais vous expliquer, mais intuitivement, ils savent qu'on transfuse l'âme. L'âme, c'est une mécanique énergétique qui s'exprime par le biais des structures atomiques et intra-atomiques du corps physique. Le médiateur qui communique la majorité, qui transmet dans le corps physique et dans l'expression la majorité du vécu de l'âme, c'est le sang. Et à l'intérieur du sang, on retrouve des hormones, et c'est surtout l'hormone qui est le médiateur du système émotif, donc des communications astrales, amiques, des communications de l'âme. Quand on dit que le bébé, le fœtus, vit l'émotion de sa mère, c'est parce qu'il est alimenté par le sang de sa mère. Donc, plus sa mère a d'émotions, bonnes ou mauvaises, plus elle injecte des doses massives d'hormones dans le bébé. On devrait être neutre quand on porte un bébé. Et si on pourrait, si on est émotif, ben, on s'en fait pas. On est encore plus émotif. Quand on donne du sang, bien nécessairement, il y a de nos hormones qui sont là-dedans, donc il y a une inscription, il y a un codifiage de ce qu'on a vécu au niveau émotif. Celui qui le reçoit, le corps physique, va réagir en fonction du sang. L'ego va penser, vivre ces émotions-là, et l'ego va les prendre en expérience, donc on a communiqué notre âme. Celui qui donne, aucune implication. Celui qui reçoit, entre deux mots, on prend le moins pire. Vous avez besoin de sang, prenez-en. De qui, on s'en fout, prenez-en. Après ça, digérez ce que vous allez avoir reçu. Le fait que vous parliez à quelqu'un, vous faites de l'imprégnation astrale, manipulée. Vous donnez votre photo, vous donnez un baiser, vous manipulez. Vous engueulez, vous adorez, vous manipulez. Vous donnez votre sang, c'est la même chose. Celui qui donne, aucune implication. Sauf si on donne trop. Pour les choses superficielles, souvent je comprends moins vite que la majorité des personnes. Alors que pour les choses profondes, comme la conscientisation, je comprends plus vite. Comment expliquer ça et comment améliorer la faculté de comprendre plus vite? Bon, comprenez bien une chose, c'est profond ce que je dis là. Probablement que vous avez une qualité, une capacité de comprendre des choses qui vous sont utiles et vous n'êtes pas encore capable de comprendre ce que le collectif comprend. Et probablement que vous n'en avez rien à foutre. Alors, travaillez pas pour comprendre des choses superficielles. Moi, les choses superficielles, je les comprends pas non plus. Ça m'intéresse pas. Hier, j'ai donné une conférence, avant-hier, à Mont-Laurier, sur l'enfant Teflon. Il y a une mère qui vient me voir, elle a un gros problème avec son fils, il a 6 ans. La grand-mère est là aussi, puis les deux me parlent de leur fils de 6 ans. Par exemple, quand il reçoit quelque chose, lui, il dit jamais merci. Alors, ils ont expliqué à l'enfant que... Puis l'enfant, il dit, oui, mais c'est parce qu'il nous dit tout le temps, ben oui, mais ils le savent que j'aime ça, si je joue avec, je n'ai pas besoin de leur dire merci. Il a 6 ans. Lui, les choses superficielles, il ne comprendra peut-être pas. Et moi, j'expliquais aux deux mères, le petit gars, là, il n'y a aucun problème. Ça serait à vous d'accepter qu'il ne vous dise pas merci. Vous tenez un cadeau, il est tout content, puis il disparaît avec, c'est gagné. Merci, on n'a rien à foutre. Mais oui, mais... Puis là, finalement, ils m'ont expliqué tous les problèmes que l'enfant avait, puis je leur ai dit pour qu'ils me comprennent. Votre fils n'a aucun problème. Puis pour vous le dire, c'est exactement le genre d'enfant que moi, j'adopterais n'importe quand. Fait que s'il est trop m'en donné, ben vous passerez à moi. Oh non, non, il est adorable, il est bien correct. Puis là, finalement, ils se sont rendus compte que peut-être que j'étais sincère. Effectivement, le petit gars est correct. Lui non plus ne comprend pas les choses superficielles. Puis si à un moment donné, je donne un exemple, vous avez différentes visions des choses superficielles. Mais à un moment donné, on n'a pas de temps à perdre avec ça, ce qui fait qu'on n'a pas le cerveau bâti pour ça, puis on ne les comprend pas. Moi, dire merci, c'est compliqué, puis de penser à envoyer une carte postale, moi, je les écris avant de partir en voyage. Je vais mal à l'aéroport, et après ça, je m'en vais. parce qu'entre-temps, sans ça, ça c'est uniquement pour ne pas me faire trop intervenant. Je sais que ça fait plaisir à l'ego, je le sais, je sais tout ça au complet. Mais ça, c'est comme ça. J'en viens en vie, c'est tout ça. Depuis deux ans, j'ai une obsession de devenir riche. Je n'ai jamais perdu autant d'argent de ma vie. Mais c'est évident, si vous vous conscientisez en plus. Où est la déficience? La déficience, c'est que vous avez une manipulation astrale qui va donc... Premièrement, l'être humain qui vient à mes conférences, il y a plein qui ne viennent pas qui se conscientisent, mais ceux qui viennent au minimum se conscientisent. En partant, regardez ceci. Ceux qui évoluent et qui ne se conscientisent pas encore, c'est essentiel l'évolution. Puis à un moment donné, on commence à développer une lucidité dans l'évolution, une conscientisation. Ceux qui évoluent, les traces qu'ils vont laisser sont importantes. Ceux qui se conscientisent, c'est vous qui êtes important. Alors, vous allez tout perdre, on s'en fout. Vous, vous en foutez dans votre intelligence. Mais peut-être vous ne l'avez pas encore dans votre conscience. Autrement dit, c'est que, astralement, dans l'évolution, si vous faites de l'argent, vous reconnaît. Au niveau de l'ère nouvelle, si vous n'êtes pas un être humain, soyez ce que vous voudrez au niveau de la matière, on ne vous reconnaîtra pas. Donc, on se fout royalement de ce que vous avez, de ce qui vous entoure, de comment vous vous habillez, ce qui va intéresser l'ère nouvelle, ce qui est à l'intérieur de votre corps physique. Vous. Le reste, on s'en balance. Les conjonctures économiques, les conjonctures temporelles et historiques peuvent faire en sorte que l'être nouveau soit très pauvre et dans la rue, nu-pied comme un quêteux. Ça, c'est pas grave, ça. On le regarde, on y parle, puis on sait. Le reste, on s'en fout. C'est pas intelligent, écologique, qu'ils vivent dans la boue. Il n'en sera pas dans la boue longtemps. C'est pas son point de départ qui nous intéresse. C'est ce qui va être lui, au bon moment. La personne ici, elle a une obsession, donc astralement, elle veut, elle a besoin, il y a quelque chose dans son ego qui veut de l'argent. Si elle se conscientise, son intelligence va nécessairement la brimer. Si elle gagne de l'argent, son ego va être sûr que c'est lui qui mène le jeu. Alors que l'intelligence, c'est très bien que c'est pas l'ego, alors l'intelligence de l'individu présentement l'empêche d'être riche. Il y a beaucoup de personnes qui me disent « Oui, mais si j'aurais de l'argent, je pourrais évoluer plus vite. » Alors là, l'ego va vous empêcher d'être riche pour que vous ne vous conscientisez pas trop vite. On ne doit pas vouloir faire du fric, on doit vouloir être bien. Puis être bien veut dire, à la manière PMC, être bien, ça veut dire être capable d'être parfaitement ce que nous sommes en cas de guerre nucléaire total. Être parfaitement capable d'être ce que nous sommes en cas de guerre civile planétaire. D'être capable d'être totalement ce que nous sommes en cas de paix mondiale. Être capable d'être ce que nous sommes totalement en cas de bonheur, de richesse, de pauvreté, de tremblement de terre, de contact extraterrestre. Quelle que soit la situation mondiale dans l'avenir, à être son seul maître. Et là, l'humain va être correct. Il aura ce qu'il aura besoin dans la matière, de la finance, il aura le temps, il sera libre. Donc, la personne ne réussira pas à faire du fric pour l'instant tant qu'elle aura une obsession. L'obsession peut rester, mais que l'individu commence à intelligencer son chose. C'est elle qui est importante, l'argent s'en balance. Il y a plein de personnes présentement qui en ont de l'argent. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que dans pas grand temps, ils vont la perdre parce que c'est d'autres personnes qui vont la ramasser. Ceux qui pourront faire de quoi avec. Existe-t-il un chemin court pour la richesse? Oui. Le problème, c'est que le chemin court qui mène à la richesse est habituellement suivi d'un chemin court qui mène à la pauvreté. Oui. On peut aller chercher énormément d'argent extrêmement rapidement. Eh bien, des fois, tu me poses la question. Il y a d'autres qui me l'ont posé. mais je suis un torieux. Même pour moi. C'est que si c'est pas le temps, puis si l'humain n'est pas prêt, je préfère qu'on reste pauvre. Ça va créer des amitiés énergétiques. Il y a des millionnaires qui ne viennent pas aux conférences parce qu'ils ont de l'argent. Il y en a qui viennent évidemment parce qu'ils se rendent compte que finalement, tout ce qu'ils ont, c'est de l'argent. Mais il y a des façons rapides d'aller chercher de l'argent. Très, très facile. Très facile. Ça ne sert à rien. Regardez ceci, c'est exactement comme si vous me demandiez, est-ce qu'il y a une façon rapide de faire un retrait à la banque? Oui. Alors vous partez, vous allez chercher votre 20 000 piastres ou votre 20 millions à la banque, vous l'amenez chez vous. Puis après, vous faites quoi avec? C'est risqué en maudit. Laissez le don en banque. Il est à vous. Quand vous n'aurez besoin, vous irez le chercher. On fera de l'argent quand ce sera le temps. En attendant, eh bien, la banque des autres. Pas grave. Il y a des choses que je ne veux pas trop dire pour l'instant, mais c'est, oui, il y a des chemins très faciles pour aller chercher de l'argent et du temps. Mais ça s'adresse à ceux, je vais l'adresser à ceux qui seront suffisamment centrés dans leur intelligence. Mais il y a des façons, oui. Sans vente de drogue, là, je parle des façons qui sont aristocrates et esthétiques. Lors d'une émission télévisée d'un ésotériste connu moustachu. C'est bon. Parce qu'il y a un dessin, À cause, je ne le reconnais pas. Il parlait d'un tunnel du futur ou un trou noir où des êtres humains auraient à y pénétrer et ils se retrouveraient en 2023. Ces derniers temps, effectivement, le grand moustachu. Il y a plusieurs personnes qui m'en ont parlé parce qu'il annonce des choses qui... Si vous voulez plus de commentaires sur ce qu'il dit présentement, il faudrait vous référer à des conférences que j'ai données en 84 et 85. On parle du tunnel, on parle des expériences américaines, on parle des années 2023, on parle de tout ça au complet, on parle de 1900... Est-ce qu'on parle de tout ça au complet? Excusez-moi, là-dedans, on pourrait se référer à certaines conférences dans ces coins-là, effectivement, oui. Non, mais qu'est-ce que c'est le trou noir? Puis qu'on va se retrouver en 2023. Mettons que la cassette n'est pas là, là. En séminaire, on parle souvent de courber le temps. L'homme nouveau aura la capacité de courber l'espace-temps. Bon, on saute de détails. Les Américains ont fait des expériences dans le triangle du diable, le triangle des Bermudes. Ils ont fait des expériences par la suite dans le coin de Philadelphie. Ils en ont fait avec un sous-marin nucléaire, un porte-avions, le Nimitz, entre autres, et ils en ont fait aussi avec un destroyer. Ils ont travaillé sur des systèmes de camouflage qui permettaient à des navires de se... En tout cas, ils disaient, je vais passer des détails. Et à un moment donné, avec un navire de guerre, ils ont eu une problématique, c'est que le bouclier de camouflage a fonctionné. Mais quand le navire est revenu, et ça c'est typique des déphasements dans l'énergie vitale, alors, je saute encore des détails, j'en ai quand même souvent parlé, mais surtout au niveau des conférences réservées aux séminaristes. Le déphasement du corps vital, le corps vital, c'est ce qui permet à la matière de contenir sa forme, c'est ce qui nous garde la mémoire. Alors, quand le navire est revenu, il y a des personnes qui étaient carrément fondues dans le métal. On avait des mains en ordinaire, là, mais ça partait du pont du bateau, à travers les murs, il y a eu un mélange. Un peu comme la téléportation dans le film La Mouche. On peut avoir une idée. Il y avait une mouche dans un téléportable. Le bonhomme, quand il se ramasse de l'autre côté, il est moitié mouche, moitié humain. Il y a un problème, évidemment. La tête aurait dû être la grosseur de la tête de mouche. Mais pour le film, évidemment, c'était préférable de faire la plus grosse. Bon. C'est plus horrible. L'expérience qu'ils ont faite, donc, ils ont eu un problème. Il y a eu un déphasement. Ils ont perdu des marins. Ces marins-là, eux, se sont ramassés autour des années 1986. Ils ont vécu là, il y a un bonhomme qui avait des défasements, il y en a un qui est retourné dans le passé par le couloir. C'est-à-dire que ce qu'ils ont fait simplement, c'est qu'ils ont malencontreusement, c'est pas une machine à voyager dans le temps, c'est qu'ils ont ouvert une brèche à travers des couloirs qui existent déjà, il y en existe plein sur la planète et dans le temps, et qui permettent à certains personnages initiés à ces mécaniques-là de voyager dans le temps sans problématique. Puis pour ça, les personnes voyagent uniquement par transport séraphique, c'est-à-dire qu'ils ont un double éthérique suffisamment avancé pour préserver l'intégrité de leur corps vital et de leur corps physique dans le transport. Ce qui n'est pas le cas des humains actuellement et des humains de l'époque. Alors, le canal existe effectivement. De temps en temps, les Américains s'en servent, mais c'est surtout de la matière qu'ils envoient là-dedans. Ils font des expériences. Et le canal arrive dans les années 86 et arrive dans les années 2023. Moi, j'ai expliqué dans une conférence, quand les extraterrestres vont intervenir, qui date de plusieurs années, qu'effectivement, il y a des personnages, des êtres humains, à un moment donné, qui vont rencontrer, qui vont vivre dans un contexte, et subitement, ils n'entendront plus parler de guerre, ou ils vont en entendre très peu parler d'apocalypse, de ceci, de cela, pour finalement, ils vont vivre régulièrement, raisonnablement, et puis vers les années 2023, ils vont subitement rencontrer des gens qui reviennent de la guerre. Et ces personnages-là, ce qu'ils ont fait, eux, c'est qu'ils auront totalement été ramassés, ils auront vécu avec leur terre, leurs arbres, leurs fleurs, leurs animaux et leurs maisons, dans un monde totalement différent. Et ça se fait, bon, je passe les détails, techniquement aujourd'hui les Américains ne le font pas, les Russes non plus, et l'humain ne se rend pas compte qu'il était ailleurs. On pourra revenir à cette conférence-là si on veut, on aura tous les détails. Bon, alors, et ça existe, il y a des opportunités que les Américains se servent un peu, mais ce n'est pas pratique. Quand je dis aux séminaristes que la journée qu'un extraterrestre va descendre avec un aéronef, mais l'intervention extraterrestre, elle est supramentale, elle n'est pas en vaisseau de matière. Il y aura à un moment donné, pour transporter les corps physiques de ceux qui ne seront pas suffisamment énergisés, probabilité de création de contingences matérielles, ça n'existe pas aujourd'hui, mais on pourra les faire. Mais l'extraterrestre, l'humain, va dire, comment je le reconnais, c'est facile. S'il vous ressemble, pas physiquement, vous allez reconnaître que c'est vous. Alors vous en embarquez. Pourquoi? Parce que c'est l'humain qui vient de l'avenir, qui va venir chercher ceux qui présentement vont engendrer l'avenir. Je passe un paquet de détails. Dans le livre La Cité de Sept, un roman que j'ai écrit qui dit des choses véridiques d'une façon romancée, c'est de ça qu'on parle. Dans le tome 2, on en parle un peu plus. Dans le tome 1, on explique toute la mécanique de base, des structures de manipulation au niveau des gestions des phénomènes d'espace-temps. On parle de 2023, on parle aussi de 2047 après. Est-ce que Saddam Hussein est l'antéchrist dont on parle dans l'Apocalypse? Non, Saddam Hussein, c'est, en termes catholiques, c'est un petit... bon. Tu sais, l'humain est mélangé, parce qu'on devrait dire, c'est, l'humain est dit un bon diable et un petit Christ, hein, parce que c'est l'inverse, c'est le diable est mauvais, le Christ est bon, mais tout on... Non, Saddam Hussein... Ce n'est pas l'antéchrist. L'antéchrist, il est québécois, ce n'est pas moi. Il reste au Québec, présentement. C'est l'anté dans le sens antérieur, avant, mais ce n'est pas l'anté dans le sens antérieur. C'est pas anti. C'est pas anti. Parce que antichambre veut dire avant, et anti veut aussi dire contre, dépendamment si c'est grec ou latin. Donc, il est antérieur au Christ, mais il n'est pas anti-Christ. Il est d'ailleurs pro-Christ. Il est pour le Christ, Saddam Hussein. Il est pour Mahomet, il est pour Allah, il est pour Dieu et tout cela. Et le problème des divinités, toutes les religions créées par l'homme à l'image et la ressemblance de l'homme, se nourrissent de la souffrance humaine. Et présentement, on a trois dieux majeurs qui veulent s'alimenter. Et quand je parlais de quelques années, que la Troisième Guerre mondiale, si elle arrivait, serait un djihad, une guerre sainte, serait islamique au départ. Parce que les dieux ont... L'homme ne souffre plus suffisamment et les dieux se nourrissent de la souffrance humaine. Bon, quand je parle des dieux, pour ceux qui n'ont pas entendu tous mes discours antérieurs, je ne parle pas de ce qui a créé l'intelligence chez l'homme, je parle de ce qui crée l'âme, mais ce n'est même pas ce qui a créé les corps. Et quand on dit que Dieu est dans le ciel, puis que le ciel et la terre ont été créés en même temps, il faut bien comprendre l'idée. Il y a probablement différentes mécaniques divines, des différentes divinités. Ce que l'humain adore, ce qui demande à l'homme de mourir pour lui, de faire pénitence, de se sentir coupable, de lui faire des offrandes, sont des mécaniques astrales qui manipulent l'humain et qui se nourrissent de la souffrance de l'humain et des joies de l'homme, mais surtout de sa souffrance. Et présentement, Saddam Hussein, il est manipulé, Israël est manipulé, tout le monde est manipulé. Et je n'en parle pas trop encore parce que j'aurais pas le vocabulaire. Enfin, j'aurais un vocabulaire très... Mais c'est ça. Si j'aurais l'armement qu'il faudrait, c'est pas sur l'humain que je le lancerais. La bataille se ferait à un autre niveau. Ouais, c'est ça. C'est pas le temps qu'elle se fasse. Elle va se faire, mais c'est pas le temps encore. C'est con parce que l'humain doit encore apprendre à travers la souffrance. Il y a des choses en conférence régulière sont compliquées à expliquer. Mais l'humain, présentement, il y a une purge qui doit se faire au niveau planétaire. Elle se fait présentement. Elle va continuer à se faire. L'humain doit vivre une désillusion en face de ses dieux et en face de la matière pour parvenir à une autre étape. Et la majorité des êtres humains ne peuvent le faire que par une auto-expérience, donc on n'a pas à s'en mêler. Mais cette expérience-là, c'est une expérience qui est divine, spirituelle, émotive, et c'est au nom de Dieu, au nom des dieux, que l'humain va se casser la gueule, s'entretuer jusqu'à un moment donné où il va découvrir qu'il s'est fait faire et qu'il s'est fait avoir totalement. Et ça va encore prendre quelques années, et avec énormément de bras en moins pour plusieurs. C'est dommage. Les Irakiens, dans le champ de bataille, il y en a qui doivent se poser la question. Les Irakiens ont totalement raison. Saddam Hussein, il est le grand Vishou, manipulé à manipuler. Il est manipulé par la franc-maçonnerie, le prieuré de Syrie. Il est manipulé par les Juifs, par les sionistes. Mais pas les sionistes d'Israël, par les sionistes qui vivaient à l'époque de la fraternité essénienne, un peu à l'époque de l'Égypte. Ceux qui ont bâti la secte nazaréenne pour recevoir l'énergie christique, engendrer le Christ puis Jean le Baptiste. C'est tellement effarant tout ce qui se trame sous-jacent à ce qui se passe là-bas. Les ennemis sont ceux qui, en coalition dans des vies antérieures, ont préparé leur coup aujourd'hui, en tant qu'amis avant. Puis il y a des choses qu'on ne peut pas dire, mais c'est une vraie farce. C'est l'ange Gabriel. C'est lui qui a aidé Joseph à sauver le Nazaréen. C'est lui qui a rencontré Mahomet. Puis les croisades, c'était les deux clans ensemble, l'un contre l'autre. C'est parfait. Mais ça ne vibre pas encore avec ma vision de l'évolution. C'est-à-dire que, d'ailleurs, moi, je ne suis pas venu au monde... Je suis âgé, j'ai quelques milliers d'années. Mais ce que je veux dire, c'est que... Une chance que je n'étais pas lucide avant. Pour moi, j'aurais souffert, j'aurais pas pu rien changer. Ça n'aurait pas été un cadeau. Mais là, ça s'en vient, là. J'ai des choses à faire. Mais c'est pas le temps, puis c'est chiant. C'est pire quand on est conscient un peu de voir que c'est... Que oui, mais il faut des gens conscients pour pouvoir amener, à un moment donné, une vision certaine que ce n'est pas la fin du monde qui s'en vient, c'est la fin d'un règne, donc la fin d'un monde. C'est la fin de la cinquième race mère. Et c'est la naissance de la sixième race mère. Bon. Mais il faut des individus qui sont capables de voir ailleurs dans l'avenir pour être capable de descendre dans l'astral planétaire actuel, pour les individus capables de s'y attacher, une gustation, une vision qu'il y a d'autres choses. Sans ça, l'humain aurait des problèmes. L'humain irait s'acheter des masques à gaz, puis il boucherait le bout au bout, puis il se mettrait des masques à gaz, puis il mourrait asphyxié dedans. Il y en a qui ont vécu ça hier. Oui, oui, en Israël, il y en a qui ont vécu. Sauf qu'en attendant, c'est tellement dégueulasse la façon dont l'évolution humaine est agencée. Elle est entre les mains de débiles. Je parle pas d'humains, voilà. Donc. C'est absurde, c'est totalement ridicule, c'est stupide, c'est idiot, c'est etc. Je vois même pas la peine d'en parler, parce qu'à un moment donné, j'ai des neurones qui vont devoir se connecter ailleurs. Pis... On essaie d'en parler un peu dimanche en passant pour le séminariste. Dimanche, c'est la conférence du mois. Dimanche. Ouais, je vais m'interviewer là-dessus, mais enfin. Si jamais je passe par là, je vais essayer de me rappeler de la question. Si Lucifer est le père de l'humanité, n'est-il pas le Dieu intérieur sur qui il faut se centrer? Bon, Lucifer est effectivement le père créateur de tous les humains sur le plan planétaire, mais il faut comprendre l'idée, parce que souvent dans la religion, on se fait dire Lucifer, c'est ce qui est le plus yark. Lucifer veut dire porteur de lumière. L'être humain est un porteur de lumière. Si Dieu est parfait, il n'a pas pu créer un Lucifer qui le tromperait. C'était prévu. Satan aussi. Il faut comprendre une chose, simplement, en résumant rapidement, c'est que l'être humain, Lucifer, c'est l'essence lumineuse qui descend dans la matière pour obliger la matière à se rappeler son obédience énergétique. Donc, Lucifer a voulu faire en sorte, dans la tradition, que l'humain s'en évolue plus vite. Alors, on dit qu'il s'est pris d'orgueil puis il a voulu faire mieux que Dieu. C'est pas vrai. Ça, c'est pour que l'humain accepte de rester sur le plan planétaire. La chute de l'homme. Si Dieu n'aurait pas créé l'humain faible, il n'aurait pas créé Lucifer, puis Satan, puis le pommier, on aurait été correct. C'était prévu. Il fallait qu'on descende. Les mécaniques sataniennes sont des mécaniques qui nous permettent de... au plaisir du corps physique, au plaisir de la matière. Ça nous oblige à rester vivants. Lucifer est la contrepartie qui va nous obliger à ne pas oublier qu'on n'est pas uniquement de la chair. Donc, il va vouloir, ça va nous obliger à évoluer. Et la façon la plus rapide d'évoluer est le suicide. Du point de vue luciférien, restez pas dans la matière. Sauf que si on n'a pas de corps physique, on meurt et on se ramasse dans le monde de la mort. Notre fonction planétaire, on en a déjà parlé, on reviendra là-dessus, n'est pas accomplie. Donc, on se réincarne. La partie Lucifer va faire dire à la matière, écoute, t'es de l'énergie. La partie Lucifer va vouloir dire « Évolue au plus sacrant, donc abandonne ton corps. » Plusieurs vont le morceler, le massacrer, leur corps, ils vont le laisser sale. Mais en même temps, il y a la partie sataniennes planétaire qui va vous obliger l'humain qui ne comprend pas, « Suicide-toi pas, mange, aie des plaisirs sexuels, reproduis-toi. » Bref, organise la matière. Et la partie luciférienne, c'est « Oublie pas que tu es de la lumière. » Ça, c'est une partie dans l'âme. Pas l'homme, mais c'est ce qui va engendrer la mécanique humaine. Il faut comprendre l'idée. Quand l'Esprit Saint, l'esprit non coloré par l'expérience planétaire, l'intelligence supramentale va venir le chercher, ce qu'elle fait chez certains, là, il faut maintenant que Satan et Lucifer deviennent l'esclave. C'est ce qui est arrivé avec le Nazaréen. Quand le Nazaréen est allé dans le désert, il a rencontré Satan. Pourquoi il ne l'a pas détruit? Il ne faut pas qu'il le détruise. Il a rejeté la partie satanique chez lui, la partie luciférienne chez lui, donc l'antihomme. Après ça, il prend le contrôle de sa vie. Mais pourquoi il ne l'a pas détruit? Non, faut faire attention, on ne détruit pas un échafaud. À un moment donné, il faudra l'ôter, par exemple. Je cherche à écouter mon Père divin afin de faire sa volonté. Comment reconnaître sa présence? Vous ne me croirez pas, mais c'est extrêmement, extrêmement simple. Si votre Père serait dans les ciels, les oiseaux seraient plus évolués que vous. Et si votre Père serait au fin fond de vous, ce que vous mangez serait plus évolué que vous. Quand vous voudrez faire la volonté de votre Père, si vous êtes suffisamment centré dans votre intelligence, donc dans votre esprit, vous allez pouvoir dire, « Père, je veux faire ta volonté. » Et ça va vous répondre clairement et implacablement, alors que ta volonté soit faite. On pourrait rajouter mon fils ou ma fille. Ce que je veux dire, c'est que la journée que vous serez totalement apte à faire la volonté de votre Père, lui sera totalement apte à faire votre volonté à vous. C'est l'alliance des deux qui est absolument essentielle. Sinon, vous n'aurez jamais de réponse. L'humain qui veut se centrer totalement sur un guide extérieur, le guide qui va venir est un danger. L'être qui va venir chapeauter l'humain, si on parle du Père, j'aime mieux ça moi que de Dieu, c'est plus proche de mes mémoires. Si on parle par exemple de son Père, il faut faire attention, tu as le Père dans le Père Céleste, tu as le Père dans les cieux. Le Père Céleste est un agencement créé par l'humain, le Père dans les cieux c'est autre chose. Mais l'humain qui veut faire la volonté de son Père est maintenant énergétiquement apte à faire sa propre volonté. Parce que tu ne peux pas vouloir faire la volonté de ton Père. Honnêtement, si tu as encore de l'ego. Si l'ego n'est plus là, c'est que le Père est chez toi. Maintenant, fais-la. Je résume, mais c'est ça qui va arriver à l'individu quand il va réellement vouloir le faire. Sans ça, il va se faire ramasser par tous les grands pères qui se promènent, qui ont hâte de prendre la place. Ben, un même maudit père. Le père du meuble, puis tout ça. Non, le père du hot dog, puis ça. Juste. Je pense avoir un frigidaire. Je suis touché émotivement lorsque j'écoute la guerre à la TV. Je ne sais plus que penser, comment agir, je ne sais pas si c'est intelligent de continuer à suivre le déroulement, sauf que je suis intéressé toujours à tout savoir à ce sujet. Puis je me demande qu'est-ce que je pourrais faire pour les aider. J'essaie de me détacher émotivement, mais je ne trouve pas ça facile. Ne faites rien pour les aider. La meilleure façon d'aider l'humain, souvent, c'est de lui nuire. On prend un exemple. C'est beaucoup plus complexe. On prend un exemple. Ils se battent. Ils se battent là-bas. Nous, on pense à la paix, on pense à la paix, on pense à la paix. On devrait pas. Laissez-les se battre. Pensez à la guerre. Pensez à la haine. Laissez-les s'écœurer. Ils vont s'écœurer bien plus vite. Ils vont arrêter vite la guerre. S'il y a toujours des espoirs de ci puis de cela, puis on atténue les souffrances. Il y a une bombe qui tombe, trois personnes éclatent. Mais ils sont encore imbibés par toutes nos bonnes pensées de paix. Ils souffriront pas suffisamment à la vision. Alors, ils vont l'étirer. Et c'est organisé comme ça sur le plan planétaire pour que l'humain continue à souffrir. Bush l'a compris, ça. Il y a plusieurs, oui, mais les Américains sont manipulés par de l'intelligence. Ils n'ont pas tous la conscience de l'intelligence, mais il y en a un maudit paquet là-dedans qui sont royalement branchés. Est-ce qu'aujourd'hui, il a fait une interview dans laquelle il disait qu'il était énormément déçu que les gens aient réagi hier avec autant d'euphorie à la suite de la première sortie des forces alliées? Ça plante tout! Parce que c'est, il faut pas... Exactement. Ça a tout tenu au complet. Si on aurait eu peur plus profondément, probablement que l'aviation irakienne aurait été détruite plus rapidement. Il y a tellement de... Mais c'est organisé pour s'amuser. On est supposé aller se battre. En 92, les conflits devraient accélérer. 95, on grimpe majeur. 97, c'est le summum au nucléaire. L'an 99... Il n'y a plus rien à se lancer. L'an 2012, les restaurateurs commencent à prendre dessus. L'an 2023, le passé n'aura plus jamais existé. L'humain sera neuf. Sauf que c'est pas nécessaire qu'on passe par cette merde, mais quand même. La personne, ce qu'elle a à faire ici, c'est qu'elle n'a rien d'autre à faire. C'est qu'elle regarde. En même temps, elle apprend à connaître l'humain, mais qu'elle comprenne que mal humain est manipulé. Israël s'y attaque, s'y contre-attaque. Israël sait que Hussein, il veut les attaquer pour les forcer à rentrer en guerre, de façon à diviser la coalition, parce que la Syrie s'associe, l'Égypte, la Turquie, que plus personne ne sache rien. Israël le sait, donc qu'est-ce que vous faites si vous êtes Israël? Vous ne contre-attaquez pas. 3-4 missiles, ça accaboche, pas grave. Mais entrez pas en guerre contre ça pour diviser après ça la faction qui vient d'attaquer l'Irak, pour vous ramasser à devoir vous battre contre la Syrie, la Turquie, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, ou la Saoudite d'Arabie, l'Irak. Qu'est-ce que les Israéliens font? Ils vont probablement finir par lancer une contre-attaque parce qu'eux autres, ils veulent se venger. Et on va dire, c'est ridicule. C'est pas ridicule, l'humain est manipulé. C'est pas des imbéciles, c'est tous des brillants qui sont à la tête de ces peuples-là, puis ils vont tous se faire ramasser, probablement. Si c'est pas... De toute façon, on est en Troisième Guerre mondiale depuis quelques années. Moi, ce qui m'enrage le plus, c'est que les maudites prophéties sont toujours parfaites. On peut pas les bouger. Pas encore. Mais il y a une chance. Après les prophéties d'Apocalypse, c'est uniquement des prophéties d'apothéose. Moi, j'ai tout centré mon énergie là. Souvent, l'humain, il sent ça sur l'Apocalypse. L'Apocalypse des autres. Mais la personne, elle doit regarder. Elle n'a rien à faire pour les aider. Qu'elle constate, c'est ça, la planète Terre. Puis c'est pas mauvais. C'est bon. Parce qu'on doit écouter convenablement les choses. On doit être capable de vibrer énergétiquement aux individus qui trouvent que c'est stupide qu'on se batte. Et mettez pas des pensées, mais vibrez. Il y a énormément. Si on fait le pourcentage de bons et de mauvais sur la planète Terre, elle est mauditement plus blanche qu'un noir. Mais il y a du noir partout dans le blanc, mais elle est mauditement plus blanche qu'un noir. Ça, on devrait s'en nourrir. Moi, je regarde les choses, là, puis à un moment donné, je vois des personnes qui normalement, se préoccupent de rien, puis là, sont touchés. Pas parce qu'ils ont peur que la guerre vienne ici, parce qu'il y a une guerre sur la planète. Parce que les Américains sont en guerre. Parce que l'Angleterre est en guerre. Puis là, subitement, on a perdu, bon, il y a un tornado qui est tombé. Ça touche les personnes. Un peu comme quand la navette spatiale avait explosé. Ça a touché plein de monde. Ça prouve qu'une conscience planétaire qui est de plus en plus en train de s'étendre. Ça sert à ça. Mais, on peut pas faire mieux, mais ça intéresserait qu'on fasse mieux. L'humain peut se nourrir de ça. Même les Irakiens veulent pas la guerre, ils veulent la paix. Mais au nom d'Allah, ils veulent que tout le monde soit sauvé par Allah. Ils ont raison. Sauf qu'Allah ne sauvera pas. Mais ça, ils le savent pas. Tout le monde a raison. C'est pour ça que ça peut être extrêmement dangereux. C'est pour ça que ça fait des guerres. Eh oui. Alors, c'est ça. Alors, la personne, elle n'a qu'à regarder ou elle n'a pas regardé, mais pour aider, on n'a rien à faire. Aidez-vous vous-même. Dans pas grand temps, l'humanité aura besoin d'individus centrés sur eux autres. Dans leur intelligence, puis capable de soutenir n'importe quel vent astral. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Pour l'instant, laissez-le qui s'occupe de nos affaires. Expliquez-moi qui était Enoch. Bon, on va la placer avec l'autre ici. C'est des questions qui sont extrêmement intéressantes, qui sont un petit peu trop d'envergure à un moment donné. On pourra en revenir, là, mais... Enoch, c'est un baptême de gars. C'est des bonnes questions. Est-ce que la programmation neurolinguistique est un outil qui peut aider à faire de nouvelles programmations, à se conscientiser? Ça fait quelques fois qu'une image se fait mentalement. Je suis dans une sorte de vaisseau et je pitonne sur un ordinateur. Pourtant, je ne connais rien sur l'ordinateur. Est-ce une illusion? Ah, ben c'est peut-être vous qui allez lancer des bombes atomiques. Et si vous pitonnez, vous ne connaissez pas ça, là. Lâchez-les. Non, la programmation neurolinguistique ne vous servira pas là-dedans. Bon, oui. De quelle façon peut-on laisser tomber la timidité et les signes physiques qui l'accompagnent? Comme ça, passe. Vous n'êtes ni timide, ni humide. Vous n'avez rien à faire que votre corps physique soit tout mouillé. C'est tellement, tellement simple. Évoluez. Puis, conscientisez-vous. Qu'est-ce que c'est? Vous êtes nerveux, vous êtes tout mouillé, vous arrivez en avant ici, puis là, vous bafouillez. Pose-vous une question plate. Vas-y. Comme tu poses à la première partie. Quel âge as-tu? Dans quel âge tu es né, c'est au moins c'est bon. Hein? Veux-tu savoir quel âge que... Si je bafouille, je bafouillerai, puis si je suis tout mouillé, je suis tout mouillé, puis laissez donc tomber. Vous allez voir que dans pas grand temps, vous bafouillerez plus. Mouillé, pas mouillé, ça va finir par sécher. C'est qu'on centre trop sur la forme. Vous venez me rencontrer, vous bafouillez, vous me serrez la main, elle est toute moite, là, tu sais, je peux... Je suis lavé mes vitres d'auto avec après. Puis après, c'est pas vous, ça. Ça, c'est toute la forme astrale qu'on vous oblige à exprimer. Ce n'est pas vous. Moi, je préfère qu'on travaille sur le centre de l'humain plutôt que de son apparage, ou de tout son panache, son apparence. L'humain doit centrer son travail sur ce qu'il est lui. Je ne dis pas, vous allez me dire, oui, mais en attendant, moi, je suis tout humide, puis je suis timide, puis... Comprenez ce que je dis, puis dans 6 mois ou dans 1 an, vous allez être un bloc. Après, vous devrez apprendre à vous ajuster pour être correct. Et ça peut prendre 3 semaines aussi. De quelle façon peut-on laisser tomber la timidité? Laissez-la tomber. Une des personnes que j'ai trouvées intéressante, moi, une femme à qui j'ai travaillé pendant longtemps pour Urgence Santé, le moindrement quand il disait un compliment, elle venait rouge, rouge, rouge, rouge, rouge. Les gens, en plus, lui disaient « Ah, tu rougis! » Mais elle, ça ne l'a jamais dérangé. Elle dit « Ben oui, je fais de même. Je rougis. » Mais c'est ça. Elle ne rougissait pas. Son corps rougissait. Vous devez apprendre à faire la nuance. Ce n'est jamais vous. C'est ce qu'on veut vous faire accroire. Astralement, l'humain manipulé. Puis nos corps physiques sont associés à sujet des traditions du passé. Vous bafouillez, on pense que vous bafouillez un instant. C'est que votre centre laryngé n'est pas encore sous votre contrôle. Vous êtes clair et limpide. Vous savez quoi dire, c'est le temps, vous ne le savez plus. Vous êtes lucide. La mémoire que vous vous servez n'est pas encore opérationnelle. Mais ne demandez pas comment je pourrais me changer moi. Continuez à être ce que vous êtes, continuez à exprimer d'intelligence, puis toutes ces conneries-là vont finir par être sous votre contrôle. Ça va devenir le maître contrôleur de votre vie. Progressivement, en travaillant uniquement sur l'essentiel, vous. Puis l'essentiel, c'est de voir l'intelligence de ce que nous sommes, puis de voir l'absurdité de ce que nous ne sommes pas. Faire une scission entre ce que nous sommes et ce que nous ne sommes pas. Tous les symptômes physiques, c'est pour nourrir le monde astral, puis c'est pour vous bloquer. Mais bloquez-vous plus. C'est tout mouillé, c'est tout tremblotant, c'est tout ce que vous voudrez, faites-le. Et après deux, trois fois, votre ego, là, il va avoir tellement souffert qu'il ne fera plus ça. Vous allez être clairé de lui. Mais faites-le. Puis en même temps, vous vous renforcez, vous, puis c'est vous que vous allez avancer, non pas la forme autour de vous. Comment effacer la mémoire d'une lésion corporelle? Bon, je me suis limité pendant des années à répondre ce que je vais vous répondre là. Je suis de moins en moins limité. Cette question-ci, elle demande des connaissances approfondies de certaines choses, de certaines mécaniques énergétiques, de certains vocabulaires. C'est une question que je réponds uniquement lors des conférences spéciales réservées aux séminaristes, aux individus qui ont fait le séminaire que je donne. Pourquoi? Parce qu'on prend plus de temps, on prend plus d'énergie, et les personnes ont un vocabulaire qu'ils ont ramassé pendant deux jours de séminaire, ils ont une énergie pour comprendre plus facilement. Je ne dis pas que vous ne pourriez pas comprendre. Ce que je dis, c'est que ça me prendrait trop de temps à expliquer pour que ça devienne opérationnel chez vous. La meilleure chose serait de suivre simplement les démarches qui sont là. On ne vient pas aux conférences de Daniel Kim pendant 5 ans. On vient un peu. Puis on ne vient plus ou on fait le séminaire. Après ça, on vient aux conférences pour séminaristes. C'est plus vite. Question facile. À l'EDN. Pouvez-vous nous parler de Saddam Hussein ésotériquement, s'il vous plaît? Bon, passe les autres, on revient à celle-là rapidement après. J'ai été sollicité pour faire partie d'une pyramide. Quel est le danger au niveau karmique de faire de l'argent d'une façon cachée? On est sur une planète. Il y a un karma sujet aux planètes. Si vous n'êtes pas propre dans un monde sale, on ne voudra pas de vous dans un monde propre. C'est plate et c'est dommage. En affaires, moi, c'est un de mes plus grands défauts. Je suis honnête à ma façon. Trop, disent certains. Mais ça reste comme ça. C'est dommage, mais c'est pas dommage. Les lois du monde ici permettent des falsifications. Les lois de ce qui vient ne le permettront pas. Puis on ne laissera pas aux individus le temps de transiter. Soyez vous-même maintenant. Et alors là, on ira vous chercher. Dieu, c'est quoi pour vous? Expliquez-moi, c'est quoi la spiritualité pour vous? Bon, si la personne me pose des questions, c'est qu'il y a quelques conférences que j'ai faites sur le Dieu, sur la spiritualité, etc., qu'elle n'a peut-être pas écoutées. Donc, il faut faire attention lorsqu'on vient pour la première fois ou deux ou troisième fois à une des conférences que je donne pour la simple raison qu'on peut colorer ce que je vais dire. Dieu, c'est quoi pour moi? Dieu, c'est un mot. Le mot peut désigner quoi? Le mot peut désigner toutes les forces créationnelles qui ont engendré tout le système universel. La création, les super-univers, les univers, les galaxies, les systèmes solaires, les systèmes planétaires. Sauf qu'il y a des divinités. L'être humain, ce qu'il connaît de Dieu, est uniquement une orteille de Dieu. L'être humain, ce qu'il connaît de Dieu, est un Dieu qui a été proposé par l'humain. C'est un Dieu créé à l'image et à la ressemblance de l'homme. Et ça, faut bien comprendre. Les dieux du passé étaient des dieux de colère, des dieux de vengeance, des dieux avec des armées, des dieux qui se battaient. Quand l'homme a évolué, les dieux ont évolué. Et les vieux peuples ont encore des dieux belligérants. Ils ont des vieux dieux. Les dieux meurent. Et les dieux font tout pour vivre. Alors les dieux, ce qu'ils font, ils ont besoin d'être alimentés. Et l'alimentation des dieux, c'est une alimentation qui est traditionnelle, qui est rituelle. Un aliment qu'ils connaissent. Il y a des choses que je ne peux pas te résumer maintenant là, que j'ai faites dans plusieurs conférences, sur lesquelles on va revenir aussi. Il n'y a pas un foutu Dieu que l'humain connaît qui s'intéresse à l'homme pour ce que l'homme est. L'humain est un alimenteur de Dieu. C'est pourquoi c'est toujours au nom des dieux que les pires atrocités ont été commises sur le plan planétaire. Et l'humain peut dire, ah oui, mais c'est parce qu'il prie le mauvais Dieu. Mais le bon Dieu a permis qu'on engendre de mauvais dieux. Mais ce bon Dieu-là, tout se pire que les autres. L'humain peut dire, bon, l'humain vient handicapé, l'humain est malade. Il y a des personnes qui me disent que Dieu a tellement bien fait ça qu'on peut se guérir. Mais torieux, il aurait pu s'arranger pour qu'on ne soit pas malade. Il a tellement bien fait ça, tu regardes le crapaud, tu regardes l'écureuil, tu regardes l'aigle qui bouffe l'écureuil, qui bouffe ton chat qui bouffe le moineau, puis l'ours qui bouffe le chevreuil, puis ton enfant qui se fait ramasser par le malamute du voisin. Moi, on dit que c'est bien fait. C'est mal fait. Ah, c'est parce que l'homme a tout défait l'affaire. Mettons-nous-en sur le dos. Tous les systèmes traditionnels de religion sont arrangés pour que ce soit l'homme le coupable, pour qu'il ne se réveille pas. Je le répète, on a eu le jardin d'Éden, on avait tout ce qu'il fallait, puis on a planté un pommier là-dedans qu'une pomme, puis on a dit, touchez à tout, mais pas à ça. Et oui, on nous a bâti pour qu'on touche à ça. Prenez les deux plus beaux enfants du monde, mettez-les dans un parc, donnez-leur tout ce qu'ils veulent, prenez une mitraillette armée à bloc, mettez-leur au milieu, puis dites, touchez à tout, mais pas à ce jeu-là. Allez-vous-en. C'est pour ça qu'il y aura des morts, puis vous pourrez dire, il y a rien qui avait écouté, les gangs d'imbéciles. On les a créés, puis on a mis la mitraillette là. L'imbécile, je ne sais pas c'est qui. Je connais les mécaniques créationnelles. Ce n'est pas un Dieu honnête, une mécanique divine, et non pas un Dieu, on va dire, une énergie créationnelle, ce qui nous a engendré. Ce dont on fait partie ne nous donnera pas des moutons pour nous demander le plus beau des moutons. Il ne nous donnera pas des enfants pour nous demander le plus beau des enfants. Et les dieux ont demandé des sacrifices humains longtemps. Yahvé en a demandé, Jéhovah en a demandé. Et toujours les plus beaux des races, parce que les plus beaux des races, c'est la meilleure génétique, puis si on l'élimine au départ, on n'aura pas d'évolution rapide. Alors on donne nos plus beaux bœufs, on aura par la génétique les moins bons. Notre plus beau blé, on aura le moins bon. Nos plus beaux enfants, on restera des corps physiques à évoluer. Et c'est fréquent, c'est traditionnel. Parce que l'humain a évolué, les dieux ont changé. Sinon, ils perdaient leurs attributs humains. La spiritualité, qu'est-ce que c'est? C'est une vision émotive des choses. C'est extraordinairement bon, c'est essentiel. Tant que l'humain n'est pas en contact avec son esprit. Le Nazaréen arrive et il dit qu'il est le courroux. Il va venir briser... Il va améliorer la loi, il ne défera pas toutes les lois, mais il a brisé des formes. C'est le premier à dire qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était le Fils de Dieu dans le ciel, qu'il était le Fils de Dieu dans les cieux, puis en dernier, qu'il était. Mais on l'a crucifié. Puis si on recommencerait ça aujourd'hui, tous ceux qui ont compris, le crucifieraient encore, lui-même n'a toujours pas compris. La spiritualité, ça fonctionne avec de l'espoir, de beauté et de la foi. C'est essentiel pour l'humain qui n'est pas capable de savoir. Et l'humain qui finit par savoir n'a pas besoin de foi. Jésus-Christ, le Nazaréen, n'avait pas foi en son Père. Il savait. Il n'avait pas foi en l'éternité. Il savait. Il n'allait pas à l'église. Il ne priait pas. Il parlait à son Père. Et quand il a enseigné une prière à l'humain, il finit la prière en disant « Amen », qui veut dire « Ainsi soit-il », qui veut dire « Qu'il en soit ainsi ». C'est un ordre. Jamais il n'a supplié, jamais il n'a prié. Il a parlé et il a ordonné. C'était ésotérique, c'était caché, c'était occulte. L'humain ne peut pas tout prendre ça immédiatement. La spiritualité, c'est extraordinaire, c'est fondamental, et c'est ce qui a sauvé les races humaines du passé, Et c'est ce qui va nuire le plus à la race nouvelle qui s'en vient. Les gens spirituels ont crucifié le Nazaréen. Pourquoi? Parce que la spiritualité fonctionne et est soutenue uniquement par la forme. Si c'est le Christ qui sauve lui-même, c'est pas ça le Christ. C'est pas un gars qui marche sur les eaux. C'est pas un gars qui se sort d'une croix, puis qui vole, puis qui fait des armées, puis qui tue tous ses ennemis. Il n'a pas d'ennemis. L'humain est manipulé. C'est un gars qui devait mourir violemment pour libérer l'ego de Jésus, puis gagner le monde de la mort, ramasser son humanité, partir avec. Il n'était pas là pour paraître bien dans les journaux locaux. La spiritualité a tué le Christ, et les spiritualités d'aujourd'hui sont celles qui peuvent aussi tuer l'homme nouveau. Et quand on parle d'antichrist ou d'antéchrist, c'est toutes des mécaniques qui vont être contre la forme. Parle à l'intelligence du Christ, ne parle jamais à un crucifix. Tu rentres dans une église, la personne va dire, moi, c'est à l'intelligence du Christ que je parle, pas au crucifix. Pas de problème. Quand on se crucifie, ils vont vous casser les bras. Le crucifix est plus important que l'intelligence du Christ. On ne l'appelle pas le Seigneur pour rien. Hein? Il saigne, ça accroît. L'humain adore le Seigneur. Depuis un certain temps, je me fais traiter de l'énergie vitale. Par quel type de phénomène cette succion est-elle effectuée? Quel est le moyen le plus efficace pour éliminer cette succion et comment s'applique-t-il? Le moyen le plus efficace, c'est de manger de l'ail. Ça colle le corps vital au corps physique, puis ça fait fuir les têteux. Têteux d'énergie. Les mécaniques, il y en a plusieurs. Il suffit simplement que votre centre laryngé commence à se développer pour que vous manquiez d'énergie vitale. Vous rajeunissez du point de vue de la croissance. Il suffit que votre cerveau commence à muter un peu pour que vous manquiez d'énergie vitale. Vous allez être fatigué, sans énergie. Uniquement parce que votre train de vie n'est pas convenable. Vous n'agissez pas comme un enfant. Vous êtes en croissance comme un enfant et agissez comme un adulte. Donc, ce n'est pas nécessairement un tétage extérieur. Ça peut être simplement parce que vous recommencez à être en croissance du point de vue énergétique, donc du point de vue mutatif. Alors nécessairement, on manque d'énergie si on ne s'alimente pas convenablement, on ne se repose pas convenablement, on ne s'entretient pas, si on ne sourit pas, si on ne rit pas, si on ne chante pas, si on ne s'amuse pas. Ce n'est pas de spiritualité. Les spiritualistes voudront faire ça. On doit faire ça parce qu'on comprend le principe. Et je reviens encore, je n'ai rien contre les spiritualistes ou la spiritualité. Ce que je vous explique, c'est qu'à un moment donné, la spiritualité est rendue à un point culminant où elle amène l'humain, et on doit passer à un point maintenant qui est un peu plus supérieur, et là, la spiritualité peut nuire. On n'est pas contre la spiritualité, c'est un ascenseur. On en a besoin pour ceux qui montent. Puis à un moment donné, on passe à autre chose. Ceux qui croient en Dieu, ils vont se faire une idée de Dieu. N'importe quelle énergie qui se pointe avec ce visage-là, les croyants vont embarquer. Au-delà de la spiritualité, il y a l'Esprit Saint, l'intelligence. Et là, on ne peut plus se faire embarquer. La guerre actuelle n'est-elle pas causée par la confrontation dans le monde astral par l'égrégore, entre l'égrégore musulman et l'égrégore chrétien? C'est évident. Explique pourquoi les États-Unis protégeront le Québec durant le prochain conflit mondial. Qui auront-ils reconnu? C'est pas nécessaire qu'ils reconnaissent. Je dis souvent que l'homme, c'est pas ce qu'il fait, mais il le fait bien. Les États-Unis d'Amérique ont la capacité de reconnaître l'intelligence. Ils l'ont toujours eu. Celui qui s'est occupé du projet Apollo, c'est celui qui a inventé les V1 et les V2 qui ont bombardé l'Angleterre. Von Braun, c'est un Allemand. Les Américains ne l'ont pas tué. Ils ont dit, c'est un génie, amène-les ici. Tu as dit ce qu'il faut, change-les, travaillera pour nous autres. Ils ont pris Albert Einstein, Allemand juif. Ils en ont pris plusieurs. Les États-Unis d'Amérique sont manipulés par de l'intelligence. C'est pourquoi ils ont réagi là. L'Angleterre est manipulée par de l'intelligence. C'est lentement transféré aux États-Unis d'Amérique. Parce que c'est au Québec que vont naître les prémices de la prochaine race mère, elle sera l'un des foyers où toutes les populations les grandes populations, les grandes religions vont vouloir conquérir le Québec. Adolf Hitler, d'ailleurs, ce qu'il voulait, lui, c'est conquérir l'Hyperborée, qui était le Québec selon sa vision à lui. Ils voudront conquérir le Québec, pas en le détruisant, en venant. Ils voudront bénéficier des éléments québécois. Et les États-Unis d'Amérique vont reconnaître cette mécanique-là aussi. Ils ont déjà commencé, ils sont déjà en amour avec ce qui est québécois. Beaucoup plus que ce qu'avec ce qui est canadien. Et dans les années à venir, ils auront le goût. C'est leur spiritualité. Elle est essentielle. Ils auront le goût subitement de protéger les petits Québécois qu'ils vont aimer. Est-ce qu'à ce moment-là, Saint-Germain va être... Lancez-vous dans les écoles pour le monter à apprendre le français, vous allez voir. On n'apprendra pas l'anglais, ils vont apprendre le français. Est-ce que quand ça va arriver, Saint-Lazare... Saint-Lazare, oui, Lazare, oui, Saint-Germain. Est-ce que Saint-Germain va être québécois ou encore américain? Quand les États-Unis d'Amérique vont être totalement en phase militaire de défendre le Québec, Saint-Germain va être dans cette dernière phase de travail planétaire, il va être en train de s'en aller, c'est ce qu'on appelle le grand monarque qui va être en train de le remplacer. Je réalise que je pense toujours. J'essaie de cesser cette roue, mais ça ne dure que l'espace de quelques secondes. Alors vous devriez réaliser que vous ne pensez jamais, mais que ça pense toujours dans votre tête. C'est pour vous qui pensez. Je ne sais plus quoi faire. Ne faites rien, laissez-le penser, il va finir par se tanner, puis aller penser ailleurs. L'humain ne pense pas. Ça pense dans sa tête. Vous devriez parler. On va répondre aux autres questions là, et on va revenir un petit peu sur celle-là. Parlez-moi de Jean Duceppe. Ah ben, c'est un artiste. La personne en revient encore. On va en reparler à un moment donné. C'est un bonhomme qui, dans l'ésotérisme québécois, a énormément eu affaire. Avec René Lévesque, d'ailleurs, qui était franc-maçon. Et Yolande Guérard, qui était rose-croix. C'est encore trop frais. Je ne veux pas parler immédiatement de Jean Duceppe, mais on va finir par en parler. Qui détermine les futurs possibles au niveau de ma vie individuelle? Au niveau de votre vie individuelle, il n'y a absolument rien qui détermine les futurs possibles. Parce que probablement qu'au niveau de votre vie individuelle, présentement, vous avez un futur possible. Non, vous avez deux futurs possibles majeurs. À travers ça, il y a un paquet de petites bretelles qui ne déterminent absolument rien. Et en même temps, ben c'est ça, il faut comprendre la question, c'est que ce n'est pas quelqu'un. Ça lui met de la difficulté à comprendre l'idée. Nous sommes manipulés. Par qui? Par personne. Alors, c'est la même chose, il n'y a rien ici qui détermine. Parce que l'être humain, je vais expliquer quand même un petit peu ce que ça donne. Toi, par exemple, Charles, tu existes dans une minute. Oui. Pas tu vas exister dans une minute. Tu existes dans une minute. Tu existes dans 100 minutes. Tu existes dans 100 années. Tu existes dans 1000 ans. Il y a 1000 ans. Et tu existes v'là 1000 ans. Pas tu vas exister. Tu n'as jamais existé dans le passé. Tu existes dans le passé. Qui détermine? Il y a présentement 25 Charles Villeneuve dans l'avenir. Dont 15 qui sont pauvres, 10 qui sont riches. Puis un qui est brillant. Brillant, ça veut dire qu'il rayonne. Hein? Et on le voit. Brillant. Toutes ces futurs-là se font la guerre dans ta conscience pour engendrer des passés différents, des traditions et des habitudes qui vont faire dire « Ben oui, mais moi, je suis au de même » pour que tu te diriges vers un de ceux-là. La journée que tu vas faire un choix, alors qui fait? C'est vous qui décidez vos futurs possibles. La journée que tu prends le choix de l'homme nouveau, du Charles Briand, tous les autres n'ont jamais existé. Ils n'ont jamais existé. Pas cesse d'exister. N'ont jamais existé. Eh oui. Sur ces belles paroles, nous allons vous quitter. La semaine prochaine, quelle date la semaine prochaine? sais pas c'est quoi la date. Ben, c'est après. Le 25 janvier, évoluer dans la matière, c'est aujourd'hui. Non, c'est la semaine prochaine. Évoluer dans la matière, même endroit, même heure, une semaine. Eh oui, faites attention aux bombes.